Nous poursuivons donc en ce troisième dimanche du temps ordinaire notre lecture de l'Évangile de Marc qui sera notre chemin durant cette année liturgique. Et nous avons vu Jésus aller au désert, être tenté par Satan, être baptisé par Jean le Baptiste. Et au même moment, nous avons vu sa divinité manifestée par la voix du Père et la présence de l'Esprit-Saint. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, eh bien, l'événement donc marque une césure. C'est le moment où Jésus commence son ministère public et il commence dans la Galilée, c'est-à-dire la partie septentrionale de la Terre Sainte. C'est la région où il a grandi, où il a vécu, il a travaillé, par opposition à la région plus au sud de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Parce que la Galilée est un carrefour des nations, est un endroit où beaucoup de gens passent pour toutes sortes de raisons, et c'est là que Jésus va mettre, pour ainsi dire, son quartier général à Capharnaüm. Et il dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Les temps sont accomplis, qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est le moment où Dieu accomplit toutes ses promesses. En Jésus-Christ, dit saint Paul, toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui. Mais les temps sont accomplis aussi parce que la plénitude de la présence divine se réalise dans le Fils de Dieu. Avant, Dieu, du haut du ciel, envoyait des grâces sur la terre, faisait pleuvoir ses bénédictions. Maintenant, c'est lui-même qui est la grâce. Donc, c'est quelque chose d'inouï. C'est l'auteur du cosmos qui est présent dans sa création. L'auteur de l'être humain qui devient être humain. Donc, il y a une plénitude du resplendissement de la vérité dans ce moment. Et cet accomplissement aussi trouvera sa pleine réalisation mystérieusement dans la mort et la résurrection de Jésus, sa glorification auprès du Père. Donc le règne de Dieu est tout proche et Jésus nous dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Voilà, Dieu a tout fait, il a manifesté son amour en son Fils. Maintenant, la réponse est du côté du cœur de l'homme. Chaque cœur humain doit se décider pour Dieu. D'une certaine manière, nous vivons une époque passionnante du point de vue de la conversion parce que rien sociologiquement, culturellement, nous pousse vers le christianisme. Et nous voyons tant de personnes ici dans cette assemblée qui viennent au Christ par une démarche personnelle, par une rencontre de Dieu qui s'est faite à travers des événements ou des amitiés, ou le don du Saint-Esprit. Donc c'est une époque formidable où l'Église se refait à partir de ces pierres vivantes que sont des personnes qui rencontrent la personne du Christ et qui acceptent de vivre ce que le catéchisme, l'Église catholique, appelle la seconde conversion. Car la première, c'est celle qui nous est donnée par le baptême, qui nous a engendrés de nouveau, qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, nous a transférés dans le royaume du Fils bien-aimé, qui a fait de nous des fils adoptifs, et le signe de cela, c'est le don de l'Esprit-Saint. Le baptême nous fait prendre conscience de la gratuité absolue du salut, c'est-à-dire que c'est en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus que nous sommes réconciliés avec le Père. Rien de ce que nous pouvons faire ne pouvait combler l'abîme entre Dieu et nous. C'est Dieu qui, je dirais unilatéralement, mais par amour, l'a fait en son Fils à la plénitude des temps. Pour enjamber, pour marcher sur ce pont, eh bien la réponse de l'homme, c'est la foi. Croyez à la bonne nouvelle et faites-vous baptiser pour encore une fois commencer une vie nouvelle. Et la seconde conversion donc dont parle le catéchisme, c'est celle qui s'adresse à nous tous les jours, jusqu'à la fin de notre existence. Le catéchisme dit que c'est un cœur contrit, mu et attiré par la grâce à se rapprocher de l'amour miséricordieux, ou plutôt à répondre à l'amour miséricordieux qui nous a aimés le premier. Donc la conversion n'est pas d'abord un phénomène moral. Souvent on pense que, et on s'est converti, on arrête de faire les bêtises qu'on faisait et on essaie de faire des bonnes actions. Et certes, ça fait partie de, c'est plutôt le signe d'une vie qui est transformée. Mais la première conversion, c'est justement de prendre conscience que nous sommes déjà sauvés, que Dieu a effacé, ou comme dit Paul, a cloué sur la croix la cédule de notre dette, le billet qui nous accusait, et cette dette que nous ne pouvions pas rembourser. Et cela a des conséquences dans la seconde conversion. C'est-à-dire que nous avons continuellement à nous recevoir de ce salut. Tout ce que nous allons faire, toutes les actions ou les mérites que nous pouvons acquérir viennent de cette gratuité du salut. C'est un peu comme si on bâtissait un moulin sur une rivière. Le chrétien doit se bâtir sur la grâce de Dieu. Il reçoit toute la puissance qui vient de ce torrent qui est dans le Christ ininterrompu, inépuisable, la vie de l'Esprit. Et donc le moulin, tout ce qu'il fait, c'est recevoir dans son immense roue les vertus et la puissance de la rivière qui s'écoule, et grâce à cela, il peut moudre du grain ou tisser des étoffes comme on faisait avant. Donc la conversion va consister à se construire sur la grâce, à essayer de s'établir dans cet état d'accueil pour que la puissance de Dieu opère dans ma faiblesse des actions qui peut-être me dépassent, qui sont ma sanctification, ma transformation de toutes les dimensions de mon être. Et l'Évangile poursuit en nous montrant l'appel des premiers apôtres. Donc, le texte propose donc un lien entre la conversion et l'apostolat. Et je voudrais, pour éclairer ce rapport, revenir à la première lecture que la liturgie a comme résumée, a enlevé à peu près 30 pages de texte dans l'histoire de Jonas, puisqu'elle montre Jonas qui part à Ninive pour prêcher. Mais vous savez que Jonas avait commencé par prendre la direction opposée, à partir pour Tarsis, parce que lui, le Juif, n'avait pas envie d'aller chez des païens, chez des mécréants, pour parler de l'alliance de Dieu, sans doute, où il a eu peur. Mais vous le savez, il a été avalé par le grand poisson, et du fond de sa détresse, il a crié vers Dieu, et Dieu l'a sauvé. Et après cette épreuve mortelle, eh bien, il est comme ressuscité, et il va prêcher à Ninive. Et il me semble que si sa prédication a eu une telle efficacité, c'est peut-être justement parce qu'il a fait l'expérience de l'échec et même de la détresse extrême. Plutôt, il a fait l'expérience d'être sauvé par la grâce, par la miséricorde de Dieu. Les témoins les plus convaincants du christianisme sont souvent ceux qui sont allés très loin de Dieu et qui ont été sauvé. Et c'est très important pour nous parce que on le voit aussi dans le choix des apôtres. Nous connaissons la vie de Simon-Pierre qui est pleine d'enthousiasme au départ et qui ensuite va mal tourner au moment de la passion. Pierre va renier son maître 3 fois. Et pourtant, c'est lui qui l'a choisi pour être le chef de son Église. Voyez l'analogie entre Jonas et Pierre et comment cela nous rejoint nous aussi. C'est-à-dire que si nous sommes appelés à la conversion et appelés à être des témoins, c'est bien d'abord parce que nous sommes faibles et pécheurs, mais que Dieu nous aime comme nous sommes. Et que c'est peut-être à travers nos faiblesses ou nos épreuves, nos expériences d'échec, que nous allons faire l'expérience la plus profonde de l'amour inconditionnel de Dieu. La conversion va être d'accepter cette pauvreté, que la puissance de la rivière vienne dans la faiblesse de ma vie et lui permette de faire encore une fois de grandes choses. Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc la conversion ne consiste pas d'abord à une perfection morale, mais à accepter que Jésus soit le Seigneur de ma vie, à le mettre au centre de ma vie, à le suivre de jour en jour, de dépendre de sa grâce, de revenir sans cesse vers sa miséricorde pour ensuite témoigner de cette miséricorde à nos frères et sœurs. Voyez, l'Église est fondée sur l'expérience de la miséricorde et du salut. Jésus a besoin de pécheurs convertis, de malades qui sont guéris. C'est avec ceux-là qu'il a choisi d'inaugurer son règne sur la terre et de faire resplendir la lumière de son royaume dans les ténèbres de ce monde. Donc, frères et sœurs, les temps sont accomplis, c'est-à-dire que Dieu nous a aimés jusqu'au bout en son Fils. Il nous a tout donné. Le règne de Dieu est tout proche. Dans la liturgie, nous pouvons le percevoir. Jésus est au milieu de nous par la puissance de son Esprit. Convertissez-vous, c'est-à-dire acceptez cet amour miséricordieux qui veut nous guérir, nous redresser. Et croyez à la bonne nouvelle. Faisons confiance à Jésus pour notre vie. Faisons-lui confiance aussi pour son Église qu'il mène malgré ses pauvretés, pour que nous marchions derrière lui et devenions pêcheurs d'hommes.